Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Il est 18h pile, la musique qui continue sur le 89.4 Virgin Radio. Tous les labelliens et les labelliennes, et ben c'est l'heure de retrouver votre programme fétiche, on va dire, Label Rock, hein, jusqu'à 20h avec l'équipe au complet ce soir, enfin presque au complet. Hein. Sarah, bonsoir. Good evening. Tu vas bien? Very well, thank you. Simon, à côté de toi? Oui. Ça va. T'as la forme? Très bien, ouais. Et puis peut-être la participation exceptionnelle, ou peut-être pas, on sait pas, Maya peut-être qui va se manifester tout au long de cette émission. Ne prenez pas peur, c'est le bébé de l'émission. Allez, on est parti pour 2 heures de musique pas comme les autres avec plein de nouveautés, dont celle-ci, une nouveauté française, ça s'appelle Nemo. Pour ouvrir cette émission de Label Rock en ce dimanche 7 septembre, ça sonne comme de la bonne pop rock anglaise et pourtant c'est français, non. C'est français. Vachement bien. Nemo, Can You Call Me, l'album va sortir le 22 septembre prochain. Un premier single qu'on vous a fait écouter il y a 2 semaines de ça qui s'appelait Johnny Five. Et là un autre extrait, c'est Camille, hein. Camille, Bruno, Mathieu et Alex, hein, qui forment ce groupe Nemo, un groupe français. Ils se sont rencontrés en début des années 2000, hein, même en 2000. Et c'est une belle histoire, hein, qui leur a arriver, Nemo, puisqu'ils ont sorti, tout d'abord, ils ont un petit peu galéré, hein, sorti un premier album sur leur propre maison de disques. Et puis après, il y a un petit miracle qui est arrivé, puisque trois personnes se sont intéressées à eux. Et c'est pas n'importe qui, hein, qui s'est intéressé à eux. Jeff, le fondateur de Virgin en Amérique, hein, carrément vice-président de Warner et aujourd'hui patron du label indé américain Shangri-La, qui a eu un véritable coup de foudre pour ce groupe, hein, pour ces quatre jeunes français, et il a carrément décidé de signer le groupe français. Ouais. D'autres personnes se sont intéressées aussi à ce groupe, Sarah. Oui, il y avait Alan Mulder qui on connaît parce que c'est le producteur de Arctic Monkeys. Ouais. Et je crois qu'on peut vraiment voir le son d'Arctic Monkeys dans ce disque, en fait. Hein. Toute la fraîcheur. Ah, ouais. Et il a carrément, donc, Alan Mulder, hein, qui a carrément décidé de mixer plusieurs titres de ce nouvel album, hein, un nouvel album qui s'appelle Modern Incidental. Voilà, ça va sortir sur le Village Vert. Bref, plein de bonnes choses. Hein. 22 septembre, c'est la date de sortie de cet album. Et on aura l'occasion dans la Bell Rock de vous en reparler et d'en jouer d'autres extraits. Ça, c'est sûr. Hein. Mmh. Autre groupe qui nous a beaucoup plu, dont l'actualité est plus que présente en ce moment, c'est un groupe, une nouvelle sensation, hein, suivant le magazine Rolling Stone. Et aussi pas mal de choses. Ils étaient au festival Rock en Seine, c'était la semaine dernière. C'est le groupe qui s'appelle Black Kids. Alors, groupe américain, Sarah, pour ça. Oui, un groupe américain. Il vient de Jacksonville, en Floride. En Floride, ouais. Ils se sont créés il n'y a pas si longtemps que ça, hein, puisqu'ils ont démarré leur carrière en 2006. Voilà. Reggie, au niveau de la guitare et des vocaux. Il y a Owen à la basse. Il y a Kevin qui s'occupe de la batterie. Dawn qui s'occupe des claviers. Et Ali qui s'occupe aussi des claviers et qui fait aussi quelques vocaux par-ci par-là. L'album s'appelle Party Traumatique. C'est leur premier album. Un album enregistré par l'ex-guitariste de Suède, hein, qui s'appelle Bernard Butler et qui devrait sortir incessamment sous peu, peut-être demain ou la semaine prochaine. En tout cas, cet album est très très bien. On s'en écoute un extrait, on en a écouté deux extraits la semaine dernière et ça continue la fête dans la Bell Rock. I'm not gonna teach your boyfriend how to dance. Oh, pretend to build something new. Dans la Bell Rock, une américaine, les Black Kids, l'album, on vous le rappelle, s'appelle Party Traumatic. Et puis à l'instant, on était parti du côté de Londres. Il y aura plusieurs allers-retours dans la belle ville anglaise ce soir, comme d'habitude, avec un groupe qui s'appelle Sports Day Megaphone. En fait, Sports Day Megaphone, c'est un groupe, mais c'est surtout un mec qui s'appelle Hugh Frost, assez jeune, puisqu'il a 24 ans. Il officiait précédemment dans un groupe de punk progressif, rien à voir maintenant, c'est plutôt électropop. Vous le, c'est pas Sarah qui va me contredire, ni ah, Maya. Maya, ça lui plaît pas, ça, dis donc. Ça lui plaît pas, quand même. Elle a un grand sourire, ouais, mais c'est peut-être un petit peu trop rapide, mais il faut qu'elle s'habitue, parce que ce soir, ça va pulser un petit peu, mais il y aura des trucs plus tranquilles, ma chérie, t'inquiète pas. On vous a passé le premier single, I Think It's Love, il y a deux semaines de ça dans la Bell Rock, et un autre extrait de l'album So Many Colors, So Little Time, qui arrive disponible sur le label Sunday Best. Le titre qu'on vient de s'écouter, c'était For Better, For Worse. Je vous rappelle encore une fois que vous retrouverez tous les track listings de cette émission sur http://labelrock.blogspot.com comme d'habitude, et comme puis d'hab. Évidemment on est branché sur l'internet, donc envoyez-nous, faites-nous un petit coucou tout simplement, virginradiorouane@orange.fr, virginradiorouane tout d'un seul bloc en petites lettres s'il vous plaît, @orange.fr. Qu'est-ce qu'on s'écoute, Sarah? Tiens, un petit peu de voix féminine peut-être pour calmer la petite. Oui, petite voix féminine, bien sûr anglaise. Ouais, évidemment. Voilà. Elle s'appelle Martina Topley Bird. Ouais. Donc, Bird. Donc en fait, un top bird, c'est une top nana, quoi. D'accord, super nana, donc, ouais, qui déboule dans la Bell Rock, c'est ouais, cool, ouais, ça. Oui, exactement. Et en fait, on va écouter son nouveau single qui vient de son deuxième album. Qui s'appelle The Blue Gold. Ouais, on rappelle juste que Martina, c'est pas une inconnue, hein, puisque. Non, c'est pas un inconnu. Elle s'est fait remarquer avec quelqu'un de très connu, Monsieur Tricky, tout simplement. Oui, Tricky, oui. Et cet album, deuxième album, produit par quelqu'un, décidément, un américain qui est très actif en ce moment, c'est Danger Mouse. Hein. Il a produit l'album de Beck, tiens, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça. On écoutait ça dans la voiture ce week-end, l'occasion d'en reparler la semaine prochaine de Beck. Voilà, hein. Voilà. Allez, Martina Topley Bird, ça s'appelle Poison. C'est parti. Ouh. Just a memory of you. Do the things you do. It feels like poison. I can only love you. It feels like poison. It Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. Qui a dit que les Français ne savaient pas faire de la pop rock qui groove? La preuve, hein, c'est qu'ils n'ont pas écouté l'album, nouvel album de Kid Loco. Et ça, franchement, c'est pas bien. C'est pas bien, surtout qu'il est sorti le 1er septembre. Donc, il y avait largement le temps d'écouter cet album Party Animals and Disco Biscuits. Kid Loco, hein, le grand retour. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un album officiel. Et franchement, ça fait du bien de le raccueillir dans la maison. D'ailleurs, il y a même des remixes en écoute sur son site internet. Hein. Ouais, exactement. Un site internet super bien fait. Hein, www.kidloco.com, tout ça, que du bon hein, du côté de la France. D'ailleurs, on est à pas mal de choses françaises ce soir, tiens. Et puis, je suis en train de m'apercevoir au niveau du temps que depuis que Label Rock est à nouveau à l'antenne, et ben voilà, il fait beau et il y a du soleil. Ça, c'est l'effet qui se coule un petit peu, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que tu veux. Allez, Martina Topley Bird, c'était ce qu'on s'était écouté juste avant. Ça s'appelait Poison, deuxième album hein, qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle The Blue Gold. Et là, dans Label Rock, puisqu'on fait pas mal de voyages, on va vous emmener directement du côté de New York via un label bordelais qui s'appelle Talitress, avec un groupe qui s'appelle The Walkmen, un groupe américain donc, qui sortent leur quatrième album. Ça va être disponible le 15 septembre prochain. L'album s'appelle You and Me, The Walkmen. Ce sont donc 5 New Yorkais avec un nouvel album, Simon, enregistré en, quasi en live hein. En live, ouais, après de longues séances d'expérimentation. Ouais, et d'enregistrement apparemment sur un petit 8 pistes à l'ancienne. Un album écrit sur une période de 2 ans, puis enregistré en deux temps, hein. Première partie dans le Mississippi avec John Agnello, hein, qui a quand même bossé avec Sonic Youth et Dinosaur Jr. Et puis l'album a été finalisé du côté de New York avec Chris Zane. On vous rappelle, cet album s'appelle You and Me. Il s'appelle You and Me, oui, ce sont The Walkmen. Et ça sort le 15 septembre prochain sur le label bordelais qui s'appelle Talitress. Et franchement, c'est vachement bien. On the Water, c'est ce qu'on s'écoute. Down this dirt road. Why? Pour commencer, quatrième album disponible le 15 septembre sur le label Talitress. L'album s'appelle You and Me. On s'est écouté On the Water. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis, de ça? Ah, j'ai bien aimé. C'était bien, hein, ça? Oui, oui, c'était les voix très bien. Bon, ça vous a plu, ouais? Bah, bien, les deux, hein. Bon, très bien. Si vous avez des commentaires à faire sur la playlist de Label Rock, n'hésitez pas. virginradio-rouen@orange.fr, tout le monde peut participer, une sorte de petit forum en air comme ça serait bien. Et puis, à l'instant, John and Jen, un single tiré de leur premier album. Alors, l'album s'appelle tout simplement John and Jen. Il va sortir en France, faudra attendre un petit peu, c'est le 13 octobre. Très minimaliste, très Velvet Underground. Ça fait un petit peu penser aux Kills, peut-être parce que c'est un duo. Alors c'est un duo français, attention. Oui, mais oui. Ils habitent à Londres. Ouais, ils habitent à Londres, exactement. Un duo français exilé à Londres. Ils parlent bien le français et l'anglais surtout. Bah, l'anglais surtout, ouais. Fear, c'est ce qu'on vient de s'écouter. C'était bien ça aussi. Ouais, j'ai bien aimé la petite voix féminine là. Elle était son accent, c'était bien. C'était marrant, ça. Ouais, c'était très bien. Donc l'album, on vous le rappelle, le 13 octobre disponible en France, John and Jen. Et si vous nous écoutez sur le podcast et que vous êtes du côté de Paris, bah tiens, ce mardi. Ce mardi 9 septembre à la Flèche d'Or à Paris. Allez, faut aller les voir. John and Jen, apparemment en live, ça déchire Saint-Mère, quoi, comme on dit apparemment. Voilà, The Lions, tiens, puisque je prends l'accent un petit peu. Et on va partir dans les îles, on va partir côté de Los Angeles, ça pourrait être quasi la Jamaïque. Ça s'appelle The Lions avec un titre qui s'appelle Sweet Soul Music. C'est tiré de l'album qui s'appelle Jungle Strutting sur un excellent label qui s'appelle Ubiquiti, une sorte de super groupe reggae américain basé donc à Los Angeles. Ça va plutôt bien le faire avec le retour du soleil, ça va être vachement bien. Allez, on s'écoute ça tout de suite, The Lions.

Vous êtes peut-être en train de danser dans votre salon ou alors en train tout simplement de pulvériser des records de vitesse sur l'autoroute. Mais comme le dirait ma femme, c'est 50 ici, c'est 50 ici, t'énerve pas. En tout cas, vous écoutez la Belle Rock avec le son du bébé pas content. Et oui, le bébé pas content. Oh là là là là là. Elle est partie, Maya. Ah, ciao Maya, ça arrive. Hein. C'est ça les émissions en famille. En tout cas, un grand bravo à Maya pour un beau cri à la fin. Hein. Bah oui, ouais, on voulait pas que ça s'arrête. Hein. Ouais, c'est vrai quoi. C'est parce qu'on sait qu'on va marquer une petite page de pub, c'est peut-être pour ça. Hein. Allez, Mystery Jet, c'est ce qu'on vient de s'écouter, Two Doors Down, un remix signé Duke Dumont, un producteur qui est en train de se faire un nom dans la planète électro. Il a seulement 26 ans, il vient de Londres et il s'est fait connaître en sortant quelques maxi en 2007, à savoir qu'à l'heure actuelle, il est en train de travailler sur son premier album solo. Si c'est du son comme ça, je pense que ça va le faire. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Ah bah oui, moi, c'est bon. Hein. Ah, c'est bon, c'est acquis, t'as fait une... t'as coché. Ouais, j'ai coché sur la playlist. Très bien. Et puis le petit morceau de reggae aussi, vachement bien aussi. Jungle Strutting, c'est le nom de l'album de Lions. C'est le nom du groupe, un super groupe reggae, on vous le disait, un américain basé à Los Angeles. Et bien, vous l'aurez compris, on va marquer une petite page publicitaire dans la Belle Rock, mais on a plein de bonnes choses encore pour vous. Des grosses nouveautés, punk blues, enfin un petit peu de tout, hein, de l'acoustique, de la drum and bass, enfin bref, c'est la Belle Rock. Restez branchés sur le 494. On revient dans 2 minutes 10 exactement. La Belle Rock, électriquement. La Belle Rock, électriquement. Très satisfaisant. Virgin Radio Rohan. Virgin Radio Rohan 89.4, c'est l'heure de la Belle Rock pour encore 1h08. 1h08 de son pas comme les autres. Et puis quelques annonces concerts aussi grâce à notre ami Simon qui se décarcasse chaque semaine pour trouver des dates pour vous, Rouennais et Rouennaises, pour aller. Alors des fois, on va un petit peu loin. Hein. Par exemple, on va aller du côté de Lyon, c'est ça? Du côté de Lyon, ouais, fêter les 11 ans du Ninkasi KO. Ah, c'est bien ça. C'est bon, 11 ans déjà, tu vois. 11 ans, ouais. Wow. Donc ils attaquent le jeudi. Hein. C'est sur 3 jours, jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13. Avec donc 3 soirées à thème. Le premier, ce sera un bœuf avec jusqu'à minuit avec un des bœuf, mais je croyais qu'il faisait de la bière là-bas plutôt. Le bœuf, c'était à la fête du lait, hein. C'était ce week-end, tu t'es planté. Ouais, t'es en forme là. Non, donc soirée à partir de 20h avec bœuf et fin de soirée mix, la fête et tout. Ouais, la fête et tout quoi. Ouais, c'est les 11 ans. Hein. À la gauloise. Voilà. Le vendredi, c'est plus ambiance festive avec une petite sélection des groupes qui sont passés entre 2007 et 2008. Ah, c'est toujours la fête quoi. Toujours la fête. Bon, c'est bon ça, la fête. Et toujours gratuit. Et le samedi, soirée musique du monde. Hein. Alors, c'est vraiment éclectique. Hein. Bon, très bien. Ça vaut le coup. Hein. Et c'est les 11 ans donc du Ninkasi. On vous rappelle, on disait bière parce que c'est une excellente brasserie aussi là-bas. De la très bonne bière. Hein, bonne bière. On en note la bonne aussi avec le Sornin ici. Mais celle du Ninkasi, elle va bien en plus avec la sueur des concerts rock et tout. Puis, c'est bien. Et puis, il n'y a pas de scène aussi à côté de. Ouais, c'est vrai. À Pouilly-sous-Jervy, il n'y a pas de scène. Il y a l'hôtel L'Europe et il a à vendre hein, si tu veux. Il y a des très bons concerts musettes là-bas. Hein. Allez, oh, tiens, en parlant de rock'n'roll, on va continuer parce que la Belle Rock c'est surtout ça. On a reçu un single d'un groupe qui s'appelle le Guillotines. Ça sort demain lundi 8 septembre sur un label qui s'appelle Bock Music, disponible aussi sur iTunes. Premier single pour ces 6 anglais qui viennent de Brighton. Alors ils ont déjà pas mal de fans en Angleterre, hein. Notamment Marky Smith des Fall, Kate Nash par exemple qui leur a personnellement demandé d'ouvrir son concert pour elle. Le style musical, quand j'ai reçu ça, j'ai cru que j'hallucinais. Je me suis dit ouais, ça va être bon. Mélange de punk et de blues avec une grosse voix et un sax bien mis en avant, c'est bon ça. The Guillotines, ça s'appelle Stronger. À noter que le single a été enregistré et mixé par Paul Linder, le fils du chanteur de Motorhead. Mais si, souvenez-vous, Motorhead, t'en souviens ou pas? Ouais. Oui, enfin, ouais, vaguement. Pas trop de ma génération, mais bon, je connais. Allez, The Guillotines, c'est pas très doux pour les oreilles, autant vous le dire tout de suite. Ça s'appelle Stronger. Hey. We'll be right back. me why you show me why you show me why you gone. Show me why you show me why you gone. Show me why you show me why you show me why you gone. Show me why you show me why you gone. Teens Stronger, on vous avait dit, une petite séance de décrassage dans la Belle Rock. C'est peut-être une bonne idée de garder mamie toujours un petit peu dans le placard. Ça risque de décoiffer encore. Si vous aimez le jazz rêche électrique, un groupe tout de suite, Daniel Paboff, Unity, arrangé. Tiens, pas bien loin des CD d'Acoustic Ladyland et de Sonra. On y va. 89.4 Virgin Radio 1 Rockstar Music, ou plutôt Jazz Star Music. Premier album, un solo du saxophoniste, c'est son nouveau projet Daniel Paboff. Le groupe s'appelle Daniel Paboff Unity, l'album s'appelle Daniel Paboff Unity. On vous le disait, hein, si vous aimez votre jazz assez rêche et électrique, hein, pas très loin de Acoustic Ladyland et de Sonora par exemple, vous allez aimer ce disque, hein, qui va paraître très prochainement chez Edition, distribué en France par Harmonia Mundi. Daniel Paboff, un mec, un vieux de la vieille, hein, qui a commencé il y a pas mal de temps, Simon. Et ouais, donc il est issu de la scène musicale de Rennes, hein, à la fin des années 70, et il a joué avec plein de groupes. Ouais. Il a collaboré aussi avec des artistes tels que Dominica, Étienne Dao, Philippe Catherine, Niagara et Alain Chamfort. Ouais, c'est énorme, hein, quand même. Hein. Ah ouais. Énorme. En tout cas, cet album est vachement bien. On rappelle le titre, Daniel Paboff Unity, et ça sort très prochainement, facilement trouvable en France. Et puis le son de taré un petit peu avant, c'était de Guillotines, hein. C'est un single qui sort demain sur un label anglais qui s'appelle Bock Music, mais pas de soucis, hein, vous pouvez trouver ça sur iTunes. Le single s'appelle Stronger, un groupe de punk un petit peu du côté de l'Angleterre. Tiens, on va rester du côté des punks avec un groupe qu'on vous a présenté il y a un petit moment de ça, hein, The King Blues. Trois musiciens qui viennent de Londres. Il y a Johnny Hitch Fox, il y a Jamie Jazz et Fruitbag, une musique, hein, qui va un petit peu de tout, hein. Ça va du ska reggae avec des sons un petit peu plus folk, mais ouais, le tout avec une attitude quand même bien punk, hein. Toujours punk, ouais. Ouais, toujours punk. Alors ils ont sorti un premier album, hein, qui s'appelait Under the Fog l'année dernière, et il y a un nouveau single qui arrive, Let's Hang the Landlord, c'est ce qu'on va s'écouter tout de suite. Après ça il y aura un deuxième album, hein, qui va débarquer dans les bacs. On aura le droit d'ailleurs à un nouveau single, hein, My Boulder, ça va sortir le 20 octobre prochain, et on l'a déjà reçu, mais on commence par l'ordre chronologique. On vous joue déjà Let's Hang the Landlord, morceau, des bons petits punk anglais comme on aime, même si ça commence un petit peu genre classique FM. On y va tranquille, là, hop, ça va changer. Allez, on y va, let's. I was 4 foot tall with a free from Aiken. I bumped off school and bought some tattooing. The great punk for life on my arm with a safety pin. I was sleeping in a park and selling the big issue. But this ain't no stop stories, I don't reach for the tissue. Cause these Spanish punks, they took me under their wing. Opened the squat and clap and come and they let me move in. This place was fucking huge, I couldn't believe my luck. But it was no stranger to the odd rock. I was sharing a room with this bloke called Jeff. He had rotten teeth and the world's worst breath. Ooh, we had such a time grabbing up all the walls. Day trips are frightened when the occasion called. Drinking red wine and coke, playing our music loud. On a shitty old tape player, we sung it proud. Used to see if we had the landlord from the top of the stairs. Live it forever without care. So let's hang the landlord from the top of the stairs. We'll live like a millionaire. Like a millionaire. We looked out for each other as a group, we were tight. All coppers up. But we were alright, painting our leather jackets, soaping up our hair. We look like aliens out of anywhere. If the tourists wanted a photo, we would charge them a pound. When we had enough, we'd buy a bottle and pass it around. A bag of cheap glue, you know, stick fix a fix. And whatever we could find, we're thrown into the mix. What we used to sing. If we had the landlord from the top of the stairs, we can live it forever without care. So let's hang the landlord from the top of the stairs. We'll live like a millionaire. Like a millionaire. A couple years ago, the tramps in Piccadilly told me Aaron had died. My head spun around till I sat on the curb and cried. And I found myself sitting on Puffs begging Patch. Well, I had seen him around, I prayed he didn't lose the match. Now Al's in prison and he was the sensible one. Don't let the bastards grind you down, mate, our time ain't begun. Don't let the screws get in your head and f*** you you up. Cause when you get out, we'll string that landlord up. We can see if we had a landlord from the top of the stairs. We can live it forever without care. The King Blues sur le 89.4, c'est la belle rock. Let's hang the landlord. Je suis sûr que certains locataires ont déjà prononcé en français pendant le propriétaire. Tu sais, quand t'as une merde, hein, que quand tu loues une baraque ou un appartement et que franchement le propriétaire veut rien faire et veut rien savoir, c'est ce qu'il faut dire. Let's hang the landlord. Voilà. Et après, il garde toujours la caution. Après. Et il garde toujours la caution. Il a toujours raison. Ouais. Et oui, mais ça, c'est la beauté d'être locataire. Qu'est-ce que tu veux? Allez, juste un petit mot pour vous dire que le prochain groupe qui arrive sur les platines, Los Alamos, un groupe qui vient d'Argentine, tout ça pour vous dire que c'est un groupe exceptionnel qui feront un crochet exceptionnel à Rouen. Ça sera le dimanche 21 septembre au bar Le Terminus. On en reparle dans quelques instants. Tout de suite, Los Alamos, ce groupe, j'espère que vous allez aimer parce qu'il faudra venir donc le 21, ça sera un dimanche soir du côté du Terminus. Ils viennent spécialement d'Argentine, quasi. Bon, ils font peut-être une petite tournée aussi en même temps en France, mais en tout cas, ils seront à Rouen. Non, mais c'est vrai. Allez, Los Alamos, Blind Boy Blues, ça s'appelle comme ça. Pour Los Alamos, du blues made in Argentina, un des groupes phares de la scène indé argentine, Los Alamos. L'album est sorti le 15 juillet, hein. Un album qui a été élu coup de cœur des disquaires Fnac, hein. Je crois qu'il a fait aussi un bel article dans Rock and Folk, tu sais, le magazine de monsieur qui fait la popstar là, Philippe Manœuvre. Ah oui. Donc Los Alamos, ouais, l'album s'appelle El Fino Arte de la Venganza. Je parle pas trop l'espagnol, hein, je sais pas si ça se dit ça, Venganza ou Venganza. Je crois qu'à chaque fois que je passe ce groupe, je me plante là-dessus. Peut-être on aura l'occasion de leur demander justement comment ça se prononce exactement. Voilà, un album enregistré à Buenos Aires, hein, constitué de mélodies country, folk, rock, avec un son qui nourrit la soif des grands espaces. Dixit, le communiqué de presse, hein, voilà. Donc le groupe, hein, qui est actuellement en tournée en Europe, on a eu un petit appel téléphonique de hier. Tiens, justement, ils étaient du côté de Berlin, il me semble, ou d'Hambourg en Allemagne. Après, ils vont aller en Suisse et puis finalement, ils vont arriver en France, dont deux concerts qui nous intéressent. Mmh. Le samedi 20 septembre, Simon, à Lyon. À Lyon, au double 6, ouais. Et puis, donc, crochet exceptionnel à Rouen le dimanche 21 septembre au Terminus, juste en face de la gare. Voilà, exactement. Donc, le plan, hein, c'est un petit peu d'écouter l'émission La Belle Rock, 18h à 20h, tranquille. Voilà. Et puis, on se retrouve tous au Terminus pour aller applaudir ces Argentins. Franchement, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup d'y aller. On espère que les Rouennais, Rouennaises et puis tout autour vont se mobiliser pour y aller. Mm. Mobilisez-vous, comme dirait monsieur Gérard Rolls. Ouais, il faut y aller. Il faut qu'on remplisse le Terminus comme ils n'ont jamais vu ça. Ouais, c'est clair, quoi. Mm-hmm. On veut des queues partout dans. Attends, carrément jusqu'au multiplex et tout. Il faut vraiment faire honorer ces Argentins qui, franchement, font du super blues rock. Et ça va vraiment le faire. Hein. Donc, on le rappelle, le dimanche 21 septembre au bar Le Terminus, on espère pouvoir d'ailleurs la semaine suivante vous rediffuser un petit peu de live de Los Alamos. En tout cas, toutes les dates de la tournée sur le site que vous trouverez sur http://labelrock.blogspot.com avec toute la liste des endroits où vous pouvez acheter le CD. Je crois qu'au Virgin Megastore à Lyon, aucun souci, ou sinon directement sur leur site internet. En tout cas, Los Alamos, le dimanche 21 septembre à partir de 20h au Terminus. Il faudra être là. Allez, on va se calmer un petit peu. Bon Iver, ou Bon Hiver comme on pourrait dire, nouveau single tiré de l'album. L'album s'appelle For Emma Forever Ago, distribué en France par Beggars. C'est sorti chez 4AD, un des meilleurs premiers albums de 2008. C'est un américain, hein, Justin Vernon, qui est parti tout 3 mois tout seul, vraiment enfermé dans un petit chalet pour pondre ce premier album, un chef-d'œuvre enregistré avec les moyens du bord, évidemment, dans une petite cabane, quelques micros, du matos ancien. Il a tout fait, il a écrit, composé, enregistré 9 chansons de folk, 9 chansons qui s'inspirent des 6 dernières années de sa vie. Alors c'est pas toujours joyeux, hein, comme le folk, des fois c'est un petit peu, en tout cas, de superbes mélodies. Pour Bon Hiver, on s'écoute tout de suite For Emma. de 18h à 20h. Deux heures de son pas comme les autres. I was born without one thing I would fight for. The old man, I was received in the summer of love, and in love I always win. I was named for some stupid hippie bullshit. I forget, so it never makes me too mad. My mom would pray for my half-ass education. By the summer, by the summer, by the summer. Hiver pour commencer, For Emma Forever Ago, ça c'est le nom de l'album, on vous le disait, hein, un de ces albums à acquérir absolument, un des meilleurs premiers albums de 2008. Et puis à l'instant, un extrait du dernier album de Swell, Sarah, groupe américain. Swell, oui, un groupe américain, et en fait, on avait besoin d'attendre un bon petit moment pour cet album. Oui, exactement. Oui, ils ont fait une absence de 5 ans. En fait, le mec qui donne vraiment le groupe, c'est David Friel. Bon, il est tout seul. Hein. Enfin, ouais, il est accompagné de Monsieur Orage de temps en temps. Ouais. Il est tout seul, en fait. Hein. Un petit peu Monsieur Tonnerre aussi. Ouais. Oui, il a pris 5 ans pour venir avec cette nouvelle album qui est son 9e. Ouais, quand même. Hein. Alors, comment s'appelle cet album? Bel album. Hein. Oui, bel album. Et il s'appelle South of the Rain and Snow. Ouais, alors c'est pas tout jeune puisque c'est disponible depuis le 19 mai sur le label Tally Tress, hein, du côté de Bordeaux. En tout cas, ce qui est nouveau par contre, c'est une tournée cet automne. Ouais, cet automne en France, hein, avec une date à Lyon au Sonic le dimanche 26 octobre. Donc le 26 octobre au Sonic à Lyon, avec ouais, en première partie. Oui, c'est ça la particularité de ce concert. C'est qui en première partie? C'est Jérôme Baudon alias Godot. Et oui, tout simplement alias Godot, hein, c'est bon ça. Ça va être donc du côté du Sonic le dimanche 26 octobre, avec en première partie, et lui, ce monsieur, c'est ce qu'on s'écoute, Souls and Hearts. C'est Godot. Il est rouennais. Allez, il est rouennais. Godot, il est rouennais. Hein, creeping down the streets, creeping on the leaves, about the twilight seems to be. Like a cold morning rain, and then a soul of pain, just remains a fate to talk. Our souls and hearts and precious life, we still make a play, save a hope for life. Our souls and eyes and precious light is still makes a fate to say a hope or dies. Living underneath, lying on the wheels, without a doubt we've left you alone. I'll close our eyes, all mine and minds are closed, they will set our head to die. Our souls and eyes and precious stars still make to fight, say a hope or die. Our souls and eyes and precious stars still make to fight, say a hope or die. Our eyes, our souls and iron, precious lies, still remains a fate, say you have our lives. Oh, Ce chanteur américain né à Memphis dans le Tennessee, Sarah, qui s'appelle Mika P. Hinson. Yes, Mika P. Hinson. Et en fait, lui, il est sur le label Full-Time Hobby. Oui. Loisir de plein temps. J'aime bien ça comme label. Ouais, c'est sympa comme nom de label, ouais, exactement. Parce que c'est vrai, la musique, c'est vraiment un loisir. Hein. Ah, tout à fait, tout à fait. Et distribué en France par nos amis Pias. Ouais. Et il a un nouvel album qui sort. C'est son quatrième album, en fait. Et il s'appelle Mika P. Hinson and the Red Empire Orchestra. Ouais, un album un petit peu plus joyeux que ce qu'il a fait dans le passé, hein, mais qui reste quand même assez déprimant. Hein, mais bon, c'est pour ça qu'on adore le son de Mika. Mika, quand même, qui est connu hein, pour. Il a fait quelques voyages en prison. Je crois qu'il était un petit peu toxico avant. Il a une jeunesse assez mouvementée, donc c'est une sorte de miraculé un petit peu. Mika P. Hinson, donc du Tennessee, à Keep Having These Dreams. Et puis juste avant, c'était évidemment local, hein, Godot and the Parasites. Tiré du deuxième album de Jérôme hein, qui s'appelle Echoes Bones, que vous retrouvez, qui est disponible un petit peu de partout, notamment du côté du forum Espace Culture. Simon, tu nous redonnes tiens, un petit coup la date du Sonic avec Swell. Est-ce que tu l'as sous les yeux ou pas? Bien sûr, le dimanche 26 octobre. Ouais, donc en première partie Godot. Et puis peut-être, alors on l'a eu au téléphone hier, hein, Jérôme, peut-être du côté du forum pour un showcase ce samedi 13 septembre. C'est à confirmer cette semaine. Hein, renseignez vous ou alors directement aller soit au forum Espace Culture d'ici mercredi, il va essayer de nous goupiller quelque chose Jérôme, ou sinon ça sera peut-être remis au mois prochain, pas de confirmation donc pour l'instant, mais peut-être du côté donc du forum Espace Culture samedi, on l'espère, hein, tant qu'à faire hein. Donc allez faire un petit tour sur le site de Jérôme hein, c'est godomusique.blogspot.com. encore une fois vous retrouverez tous les détails sur le blog de l'émission Label Rock. Voilà, on va marquer une petite page de publicité et puis on revient avec du lourd après, puisqu'on aura le nouveau single des Chemists. Vous allez voir de la drum and bass plutôt bombastique, on va voir. Allez, c'est reparti. Label Rock, électriquement très satisfaisant. Label Rock de retour pour la dernière demi-heure. C'est l'heure de pousser tous les meubles dans le salon parce qu'on va danser un petit peu. Ouais. On va danser en compagnie de trois Anglais qui se sont fait repérer par le label Ninja Tune. C'est toujours un gage de qualité en général. Il s'appelle The Chemist, nouveau maxi Lost Weekend avec aux vocaux, s'il vous plaît, Mike Patton, un chanteur américain connu pour avoir été membre du groupe Face No More. Voilà. Le single va sortir le 22 septembre prochain. Franchement, bah, c'est de la babale la pépère, comme on dit. Voilà, on y va. Yeah. Notre Bush City Limit avec nos amis Black Diamond Heavies hein, qui viennent du sud des États-Unis. La plupart des chansons sont des compos, hein, mais aussi quelques reprises. La preuve, je crois que c'était une reprise de Nina Simone, il me semble. Hein. Sinon, sur cet album, il y a d'autres reprises, des reprises de Muddy Waters, par exemple, Tom Waits, Tim O'Dell Ford ou alors John Lee Hooker. En tout cas, musique, vous l'avez compris, rêche puissante et puis une sorte de mélange de punk et de blues. Mmh. C'est vachement bien. Un deuxième bon album. Chimie, ouais. Un deuxième album, nouvel album en fait, hein, qui s'appelle A Touch of Someone Else's Class, sorti sur un label américain qui s'appelle Alive Natural Sound, distribué en France par Different, il me semble. Juste avant, un petit peu de drum and bass, une bombe hein, de Chemist, Lost Weekend, un remix. Bah tiens, puisqu'on parle de, c'est chez Ninja Tune, puisqu'on parle de Ninja Tune, dont la famille un petit peu barrée comme ça, Jarring Effect, qui fête ses 10 ans, c'est ça ? C'est 10 ans, en même temps que Rhythm Collision, qui fête également ses 10 ans. Donc gros festival qui va commencer le 17 ouais, du côté de Lyon hein, du côté de Lyon exactement ouais. Donc un chapiteau comme en 2006 un chapiteau unique hein, tous les 5 jours ça va tout être au même endroit. Donc KPRH. Donc ça commence le mercredi avec gros truc drum grosse soirée dub, pardon, dub pardon dub ouais, dub Jarring Effect enfin c'est bien lyonnais le dub encore hein. Oh, bah, de toute façon c'est ce qu'ils font hein, Jarring Effect c'est excellent au niveau du dub c'est vrai. Donc mercredi 17 septembre grosse soirée dub le lendemain avec ça continue un jeudi 18, je vais pas dire tous les noms hein, vous irez voir sur le site non mais Rhythm en gros il y a toujours les mêmes acolytes hein, je suppose Ezekiel je peux vous parler du pop de l'herbe Kali Live Dop Grosso Gadgetto Caritan Kabok Cosmo 70 chez B-Record Marie Annie Hobbs qui était à la BBC One ouais aussi. Marianne Hobbs qui sera là d'accord ouais et ben cool bah, c'est toute la mafia lyonnaise en gros quoi hein, qui invite les copains et les copines voilà il y a Christelle du Torchon aussi je trouve ça marrant comme d'accord Christelle du Torchon ouais. Je elle connaissais Christelle elle est pas à la BBC elle mais peut-être hein, bientôt on sait pas ouais. Et ben c'est bon on redonne la date et ben c'est du 17 au 21 septembre et ben très bon tout ça on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine et puis en parlant de chapiteau on vous parlera aussi de l'anniversaire Canal Jazz hein. Bientôt ça se passera aussi mais du côté de Rouen ce coup-ci sous un chapiteau en attendant une nouveauté, un single sur un label qui s'appelle Another Music, Another Kitchen, tout jeune trio londonien qui s'appelle The Joy Formidable. Ils sont un trio, donc deux qui viennent du pays de Galles, le troisième de la région du Devon. Tout nouveau groupe, hein, puisqu'il y a un an, il n'existait pas, et pourtant maintenant ils ont un single, ça s'appelle Auster. Thank you. Label rock. Électriquement. Très satisfaisant. She got a black eye, I want a black eye. She got a splinter, I want a splinter too. She got arrested, I want arrested. She go tripping, I go falling over. We walk through the streets like lottery winners on us. Everything she say, I was thinking anyway. We walk through the streets like lottery winners on us. Everything she say, I was thinking anyway. I like Gordon's. She like the black stuff, I like the black stuff too. She got a disease, I want a disease. She go tripping, I go falling over. We walk through the streets like lottery winners on us. Everything she say, classique signé Label Rock de Crimea, single autoproduit en 2002. Vous avez été nombreux, hein. On a fait des sortes de petites rétrospectives, chercher quelques classiques dans les archives de Label Rock. Et vous avez été nombreux à nous envoyer quelques emails en nous disant on aime bien quand on redécouvre quelques trucs, quelques pépites pop rock comme ça. C'est le cas avec ces cinq londoniens, hein, qui au départ s'appelaient The Crockettes, qui ont changé de nom pour s'appeler The Crimea, single autoproduit en 2002, que vous retrouvez d'ailleurs sur leur premier album, hein, sorti quelques années plus tard. À noter cette année qu'ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Secrets of the Witching Hour, que vous pouvez télécharger, et je dis bien gratuitement, entièrement gratuitement, le nouvel album de Crimea. 11 titres entièrement gratuits, c'est vachement bien. Voilà, on vous dit la semaine prochaine, hein, évidemment, dans Label Rock pour 2 heures de nouvelles aventures Sonic, ouais, avec des choses douces, des choses un petit peu moins douces, mais il y en a un petit peu pour tout le monde dans Label Rock. C'est ça qui est bon. Je crois qu'il va falloir falloir que tu ailles calmer la petite Maya, ça va, qui est déchaînée ce soir. Simon va rentrer tranquille, non, c'est pas le genre. Non, même pas, non, tu vois, je vais aller faire un tour du côté du Citizen Rock. Là, il y a un petit buff qui se prépare avec les Made in Nowhere, ceux qui sont en, le 7 octobre, en première partie des Side Matters. D'accord, des Side Matters, ouais, ça sera du côté des Mardis du Grand Marais. Voilà. Et ils sont ce soir donc du côté du Citizen Rock, c'est la place du marché, hein, pas bien loin, à Rouen, pour un petit buff musical. Et bah, très bien, bah écoute, amuse-toi bien. Bah, tous ceux qui nous écoutent, hein, si vous avez envie de musique live, et bah, allez-y, faire un petit tour du côté du Citizen Rock. Nous, on se retrouve la semaine prochaine entre 18h et 20h sur le 89.4. Et puis, sûr. Les émissions locales qui continuent demain, comme tous les jours, de 12h41 jusqu'à 17h. Voilà. Sarah, on se quitte avec un groupe qu'on aime bien ici. Oui, hein. Franchement, c'est, on pouvait jouer tout l'album. Exactement, on pourrait, ouais, on pourrait. Ouais. Hein. Et ça s'appelle Cloud Coat. Ouais, on va terminer tranquillement comme ça. Ouais, Hurricane and Fire Survival Guide. Voilà, un petit peu de piano. Tiens, en parlant de piano, de joli piano, on aura notre ami Nico hein, dans l'émission de, pour parler de Wax. Hein. Enfin, ouais. Pas en direct, on aura une petite interview. On vous calera ça la semaine prochaine dans Label Rock, nouvel album de Wax. Hein. Ça sera 2-3 jours avant la sortie officielle. Voilà, on en parlera un petit peu. Allez, Cold Cut tout de suite, Hurricane and Fire Survival Guide. Ciao tout le monde. Ciao. Goodbye. Good night. See you soon. Bye. Label Rock, tous les dimanches soirs, de 18h à 20h. 2 heures de son pas comme les autres. Avec Sébastien, Sarah, Simon et Sylvain, sur l'antenne de Virgin Radio Rouen.